Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Le Juste Prix! Aujourd'hui, on va essayer de déterminer combien d'espèces d'oiseaux il y a dans le monde. Faites vos jeux! Oh là là, dis donc, tu t'es préparé pour lancer Le Juste Prix le matin, je sens ça. Très bien, bonne accroche. On a des chiffres à donner, enfin. On a un chiffre à donner. Bon, bon sang. Comment ça va, Sophie? J'achète. ça va, ça a l'air de bien démarrer, là, donc on est bon. Et toi, ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien, j'espère que les auditeurs et les auditrices vont bien également. Vous êtes évidemment dans le courrier de la Sterne, le seul podcast francophone qui parle d'oiseaux, voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses et on va vous parler aussi de classification. Ce sera dans notre fameuse rétro, mais ce sera pas mon sujet principal, puisque je vais parler du fournier. On va partir en Amérique du Sud. Et toi, Sophie, de quoi tu nous parles ? Alors, moi, je vais vous parler du paon. Alors, Pavocristatus, hein, paon que vous voyez des fois dans les jardins. Eh bien, fantastique. On va voir ça dans la première partie de l'émission. Mais avant tout ça, eh bien, on va passer à notre fameuse rétro-piou-piou, à nos fameuses petites découvertes lors de ces quelques jours qui ne méritaient pas forcément de plus grands sujets. Est-ce que tu veux que je commence ? Eh bien, avec grand plaisir, Sophie, puisque moi, j'en ai qu'une, et du coup, comme je l'ai dit, on va parler de classification. Oh, ah ben c'est top, ça. Ben, moi, de mon côté, on va revenir un petit peu en arrière dans le temps, parce qu'il y a un article qui a été publié, donc fin juillet de cette année, qui nous explique que, finalement, comme pour pas mal de caractères, au final, beaucoup de caractères aviens ont précédé le vol, et c'est le cas d'un des caractères squelettiques, cette fois-ci chez les oiseaux, car il existe un petit os qu'on appelle le pisiforme, qui se trouve notamment dans le poignet des oiseaux, qui se forme au milieu d'un tendon, plus ou moins, qui aide notamment à la stabilisation en vol de l'oiseau. Eh bien, on pensait que ce petit os avait évolué après les débuts du vol, et notamment juste avant le vol battu, hein, on pensait entre le vol plané et le vol battu, c'est plus ou moins dans cette période-là. Eh bien, il se trouve que non, une récente découverte a montré que cet os était présent antérieurement, bien antérieurement au vol, car il a été présent dans chez des dinosaures qui s'appellent les troodontidés, qui ne volaient pas spécialement, clairement, et qui ont été découverts, donc ça a été découvert grâce à un fossile particulièrement bien conservé, d'ailleurs plusieurs fossiles particulièrement bien conservés, avec cet os juste dans la bonne position, qui ressemble donc beaucoup à la position actuelle du pisiforme chez les oiseaux, et ce qui a donné un petit coup de pouce aux chercheurs pour arriver à déduire ce qu'il fallait de ce fossile. Donc pour résumer, on est à peu près dans quelle période ? On est au Crétacé, donc moins 100 millions d'années à peu près pour... Oui, dans ces eaux-là, je crois qu'ils n'avaient pas précisé. C'est entre moins 66 et moins 100 millions d'années, donc on est à la fin du Crétacé dans ces eaux-là. Ça a été trouvé dans le désert de Gobi, en Mongolie. D'accord, ok. Eh bien, fantastique. Sophie, on avait parlé il y a quelques semaines de ce fameux webinaire auquel beaucoup d'ornithologues du monde entier étaient conviés, puisque, comme vous le savez peut-être, eh bien, nous allons avoir désormais une liste unique pour la reconnaissance des oiseaux. Avant, on en avait plein, maintenant, on n'en a qu'une. Et on a eu, du coup, eh bien, quelques petites informations concernant cette liste lors de la discussion qui s'est tenue hier, donc au 31 juillet pour être précis. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'elle va changer, cette liste ? Ben, de la simplification, bien sûr. Alors, si vous posez la question de savoir pourquoi il est important d'avoir une liste plutôt que plusieurs pour, entre guillemets, lister les espèces, eh bien, la principale raison vient du fait que ça permet de tout uniformiser et ça permet, eh bien, de rendre beaucoup plus clair certains travaux scientifiques, notamment lorsque l'on parle d'espèces ou de sous-espèces précises, puisque certaines listes considéraient certains oiseaux comme des espèces, alors que d'autres listes considéraient ces mêmes oiseaux comme des sous-espèces. Et donc, ben, il était compliqué de s'y retrouver dans cette fameuse liste. Et donc, elle va être uniformisée. Alors, pour quelques petites informations complémentaires, le travail a commencé de manière un peu secrète aux alentours de 2018, donc ce n'est pas tout récent. Et eh bien, ça visait à ce que les principaux membres, on va dire, des groupes d'ornithologie mondiaux, que sont donc le Cornell Lab, BirdLife International, à laquelle appartient la LPO par exemple, ou encore eBird, hein, qui est donc l'un des plus grands fournisseurs de listes d'oiseaux, se mettent d'accord. Et donc, eh bien, c'est en 2025, par un papier sorti en juin dernier, que cette liste a été révélée au monde. Et il se peut d'ailleurs, Sophie, que tu participes à cette liste, puisque maintenant que, on va dire, les grandes directions ont été données, eh bien, ils cherchent à établir des groupes régionaux. Quand je dis régionaux, c'est pas en réalité continent ou zone géographique. Et effectivement, en Afrique, ils cherchaient encore du monde. Donc, il se peut, Sophie, que tu sois contactée pour travailler sur cette, sur cette checklist. Mais voilà, c'est quand même, c'était quand même très important d'avoir, d'avoir une liste pour tout le monde, que plus personne ne s'éparpille. Comment dire, n'importe où. Est-ce que toi, Sophie, ça t'est, tu as été quelque peu pénalisée des fois lorsque justement tu devais traiter des papiers scientifiques, de travailler sur plusieurs espèces ou sous-espèces qui étaient en fonction des listes différentes ? Non, très honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Mais ça, après, c'est plus un combat de scientifiques, des fois, qui se disent « Non, mais ça, c'est une sous-espèce de machin chose », et l'autre dit « Non, non, c'est une espèce à part entière », donc il y a des petits combats de chapelle comme ça, mais c'est pas... On s'en fiche un peu, au final. Il y a beaucoup de papiers, notamment en écologie, qui portent pas exactement là-dessus, ils portent surtout sur le comportement, ils portent... ouais, ça nous change pas grand-chose dans nos analyses à nous. Donc c'est pas quelque chose qui va changer ma vie. Mais effectivement, pour des gens qui ont envie d'aller reconnaître les oiseaux à l'extérieur, peut-être qu'ils ont envie d'être sûrs que c'est telle ou telle espèce. Je ne sais pas. Mais moi, c'est pas... Non. Et pourtant, ça ne devrait pas changer grand-chose pour les observateurs que nous sommes, puisque les noms vernaculaires vont être conservés. Des nouveaux noms vernaculaires aussi sont en préparation, notamment aux États-Unis. On parlait de certains noms qui avaient été modifiés, notamment certains oiseaux nommés d'après Audubon qui devaient changer de nom. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Victor dans un précédent épisode. Donc, il y a encore effectivement ces changements de nom qui sont en, comment dire, en discussion. Mais ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau vernaculaire, puisque tous les oiseaux vont garder leur nom, on va dire, propre à la région géographique. Donc, les noms français vont rester français, les noms allemands vont rester allemands, etc. etc. Les noms autochtones vont rester autochtones, notamment pour tout ce qui est Nouvelle-Zélande, où par exemple les oiseaux peuvent être nommés en maori. Voilà, ça peut être effectivement des termes qui peuvent être utilisés, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La seule unification qui va être faite, c'est au niveau du nom latin, voilà, qui sera désormais commun à la liste complète et à l'ensemble des acteurs du secteur. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point à révéler, c'est que la liste, même si on est à 99,85% c'est très très précis, d'accord commun entre les différentes parties, eh bien, il reste encore quelques points à négocier. Et ils espèrent que cette liste sera opérationnelle à 100% pour 2026, en sachant, bien sûr, comme tu le sais, Sophie, que la liste est évolutive et qu'elle va sans doute changer au fur et à mesure des découvertes qui seront faites. Pour vous donner une petite idée et pour terminer là-dessus, sachez que certaines listes proposées, et c'est là, après on en reviendra au juste prix, attention, vous aurez peut-être l'occasion de gagner un prix, attention. Apparemment, ça marche les concours pour retenir les gens, donc bref. Allez. Et donc, du coup, y avait des listes qui avaient à peu près 11 000 espèces d'oiseaux et d'autres qui en avaient 18 000, Sophie. Ça fait beaucoup quand même. Donc, il fallait uniformiser tout ça. Et donc, maintenant, eh bien, il est l'heure de la question fatidique. Combien d'espèces d'oiseaux aura-t-on dans cette liste ? Incroyable. Allez, la réponse au prochain épisode. C'est quoi ? Eh bien, la réponse au prochain épisode, il faudra revenir du coup. Non. Est-ce que Sophie, tu as une petite idée de cette Oh, bah on doit certainement. J'étais resté sur 11 000, 12 000, peut-être pas plus que ça, à mon avis. On est effectivement entre 11 000 et 12 000, ça n'a pas trop changé. Pour donner une petite idée, je crois que sur la dernière Clemens, on était à 11 145, si je ne dis pas de bêtises. Donc on sera à 11 131. Voilà. Ah, bon, ça va. 11 131 espèces d'oiseaux qui devraient, eh bien, maintenant se retrouver dans une liste unique. Ce qui met fin quelque peu à un long feuilleton qui aura un épilogue au mois d'octobre et novembre prochain, puisque sortira un papier où, parce qu'il va y avoir évidemment des mécontentements, les scientifiques vont expliquer leur choix sur pourquoi telle espèce ou telle sous-espèce. Voilà, on aura peut-être Allez. l'occasion de le commenter, nous, dans le courrier de la Oh STEP. oui, certainement. Et voilà pour moi, Sophie. Est-ce que tu as encore d'autres De mon petites côté? informations à Mais oui. distiller? Mais oui, j'ai une petite information très utile, très importante, notamment pour les gens qui ont des hirondelles rustiques près de chez eux et qui nichent près de chez eux. Savez-vous que l'hirondelle rustique, elle est capable de vous reconnaître si vous êtes familier de ces hirondelles-là, particulièrement si elles habitent juste à côté de chez vous? Eh bien, il se trouve qu'une petite étude est sortie oui, déjà quelque temps, mais qui indique, alors notamment en Chine, hein, c'est en Chine que cette étude s'est faite, elle indique que bah, les hirondelles de cet endroit-là reconnaissaient les gens du coin parce qu'en fait, elles mettaient beaucoup plus de temps à s'envoler quand c'était leur voisin que quand c'était quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas. Dans ces cas-là, elles prenaient beaucoup plus d'espace en se disant, attention, inconnu, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais les gens qui étaient proches et qu'elles voyaient tous les jours, bah, ma foi, elles n'avaient pas si peur que ça et elles étaient un peu plus tranquilles. Donc voilà. Du coup, si vous êtes effectivement familier de ces oiseaux-là et que vous habitez juste à côté de leur nid, eh bien, il est fort probable qu'elles vous connaissent bien parce qu'elles savent visiblement reconnaître les gens. Alors, on ne sait pas si c'est leur allure, si c'est leur vêtement ou si c'est leur visage. Il paraît plus sur les visages vu que le reste a tendance à changer un peu. Donc, si ça se trouve, elles vous connaissent personnellement. Incroyable, voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'on termine cette rétro. On va passer au pan d'ici quelques instants. Sophie, on parle du pan du coup. On avait Oui. parlé de l'aspect mythologique du pan il y a quelques épisodes de cela. De quoi va-t-on parler au niveau du pan désormais? Alors, eh ben, on va parler de laser. Alors, ne partez pas Ok, tout de suite. les pans lancent des rayons laser avec leurs yeux. Très bien, Exactement, avec c'est. le pan. Bon, quand j'ai lu ça au début, je suis surprise à plusieurs fois parce que ça m'a un petit peu étonnée. Et là, alors c'est un article, c'est pas n'importe quoi. C'est un article qui est sorti dans Nature juste cette semaine. Donc on est fin juillet, début août pour ceux qui suivent l'épisode un peu plus tard. Et juste cette semaine, un article est sorti. Un article qui parle de laser et de plumes de queue du paon. Alors vous allez me dire, Donc attendez, c'est attendez, avec la attendez. queue que le paon lance des lasers. Très Eh bien. ben oui, justement, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous refaire un truc type Mémoire de l'eau sur Nature dernièrement? Est-ce qu'ils vont bien Nature? Qu'est-ce qui se Incroyable. passe? Alors, juste pour repartir déjà de quelques pas, pour qu'on soit bien tous d'accord sur la base, vous savez que les plumes du paon, et notamment les plumes de queue du paon, ont plusieurs colorants. Donc il y a plusieurs pigments qui s'y retrouvent. Alors dans le paon au complet, hein, pas seulement dans les plumes de la queue, il y a des couleurs assez particulières, assez iridescentes, mais il y a aussi des couleurs tout à fait normales. Donc vous avez plusieurs types de pigments qu'on appelle la mélanine qui vont vous donner les couleurs qui sont un peu plus brunes, un peu plus noires, généralement un poil plus foncé. Ça peut aller jusqu'au rouge ou jaune certaines fois, mais assez rarement. Et vous allez avoir des pigments qui sont les caroténoïdes, qui eux sont plus généralement dans les jaunes et rouges, beaucoup plus clairs, parfois orangés, ça peut être assez vif. Et puis vous avez toutes les couleurs qui sont iridescentes chez le paon, qui sont ce qu'on appelle de la coloration structurelle. Donc la coloration structurelle, c'est quoi? C'est tout simplement alors Généralement, c'est les molécules de pigments, ça va être basé sur de la mélanine, mais ça va être ces molécules qui vont être arrangées d'une certaine manière, qui vont réfléchir la lumière d'une certaine manière, et qui vont donc vous donner des longueurs d'onde différentes, simplement par la réflexion de cette lumière différemment. Et ça va vous donner notamment les couleurs telles que bah, du vert, du bleu, enfin ce genre de truc qui va être souvent assez chatoyant. Vous le voyez sur le cou du paon notamment, et puis bah, sur la queue, où vous avez les fameuses ocelles, qu'on appelle aussi les yeux, qui sont ces jolis points bleus assez pailletés qui vous voyez quand il fait la roue. Et chez plein d'autres oiseaux, le martin pêcheur par exemple, c'est exactement des phénomènes physiques en fait hein, qui eh bien, font que la lumière est dirigée d'une certaine manière pour que la couleur qui est voulue, en l'occurrence le bleu pour le martin pêcheur, apparaisse. Exactement. Sauf que visiblement, c'est pas tout. Alors, me demandez pas pourquoi. Parce que ça, j'en sais rien. Mais il y a des chercheurs qui ont décidé de se dire « Oh, bah, ici, la queue du paon, eh ben, il n'y avait pas d'autre chose, d'autres types de couleurs qui en sortaient. » Et ils sont partis sur du rayon laser. Alors, comment ça se passe tout ça? Oui, parce que là, on peut se poser des questions, et on est en droit de se poser des questions. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on continue de se poser des questions. Surtout comme ça, c'est assez sain, je trouve. C'est être sain d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont amusés à regarder la queue du paon, et notamment ces fameuses ocelles que vous voyez, donc qui sont dans des colorations bleu-vert, hein, un petit peu dans ces couleurs-là, un peu iridescentes. Bon, vous avez certainement une plume de queue de paon dans la tête, là, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Au pire, allez voir sur Internet, il y en a un peu partout. C'est des petits yeux qu'il y a sur la queue du paon pour... C'est très joli, et quand il fait la roue, c'est ce qui attire le regard, hein, généralement. Et donc, ces ocelles, il y a plusieurs couleurs dedans. Bon, il y a effectivement du bleu, et du bleu et vert à un endroit, et puis il y a d'autres couleurs à droite, à gauche. Vous avez notamment du noir, noir un peu bleuté au milieu pour donner un peu de contraste. Vous avez un peu de vert un peu iridescent sur l'extérieur, un poil de jaune aussi. Enfin, il y a un peu de tout. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait... ils sont amusés à venir colorier la plume avec un pigment spécifique pour travailler avec des lasers. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de réfléchir la lumière notamment et d'envoyer un rayonnement laser. Et ils sont amusés à voir si la plume réagissait à ce type de rayonnement grâce à ça. Et il se trouve que oui, la plume réagit bien. Okay. Mais pas n'importe quelle partie de la plume, la seule partie de la plume qui va réagir et qui va renvoyer du rayonnement laser, ça va être bah, la partie qui est justement un peu bleutée, un peu verdâtre, qui va être autour du centre noir, bien noir de cette ocelle, qui va être donc la partie la plus iridescente de la plume de paon. C'est celle qui va avoir le plus de rayonnement de ce type, et on voit très bien les deux longueurs d'onde qui en sortent. Donc vous allez avoir à la fois un rayonnement bleuté et à la fois un rayonnement vert, et ces deux longueurs d'onde très très très distinctes, hein, bien spécifiques, vont vous donner cette coloration un peu spécifique. Alors, c'est pour ça que je vous dis, me demandez pas pourquoi ils ont décidé de tester ça. Peut-être, pourquoi pas, ils s'ennuyaient. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc on va colorer cette plume et ensuite on va balancer un laser dessus. Alors, ce qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle le laser à colorant. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, le laser à colorant, c'est quoi? On va utiliser un pigment qu'on va faire passer dans un liquide, donc le colorant en question, et dessus on va envoyer une source lumineuse, donc une lumière. Alors ça peut être n'importe quelle couleur, la source lumineuse c'est pas bien grave. Ce qui va être important, c'est que à partir de ce colorant, vous allez donner une longueur d'onde à votre rayon lumineux, et ensuite vous allez le faire sortir donc de ce liquide. Il va passer par l'autre côté, il va être ensuite réfléchi par des tas de miroirs qui vont et des prismes qui vont se renvoyer la lumière pour arriver à la concentrer en un rayonnement unique et surtout avec une longueur d'onde unique. C'est ce qui va vous donner le laser, c'est très spécifique. Contrairement à la lumière du soleil qui vous balance plein de longueurs d'onde différentes à la fois, le laser c'est vraiment un rayonnement avec une simple longueur d'onde, hein, c'est une longueur d'onde unique, rien d'autre, il n'y a pas de truc parasite au milieu. Il y a vraiment juste ça, et le but c'est de le concentrer au maximum pour vraiment avoir ce rayonnement concentré en un point pour arriver à l'avoir le plus... Enfin, vous pouvez augmenter l'intensité du rayonnement en quelque sorte si vous voulez avoir une puissance un peu plus importante, mais en gros c'est ça... la manière dont ça fonctionne. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec ces plumes aussi, c'est-à-dire qu'ils ont coloré Ils n'ont pas exactement coloré la plume, mais ils lui ont donné un moyen de réagir à la longueur d'onde qu'ils allaient balancer dessus, en la colorant avec un colorant qui s'appelle la rhodamine 6G. Et à partir de là, ils ont essayé de voir si cette longueur d'onde était réfléchie par la plume de Pan elle-même et comment tout ça fonctionnait. Et donc c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, dans cette structure de la plume, il y avait tout plein de petites molécules qui agissaient un peu comme des mini-miroirs, un peu comme ce qu'on pourrait faire en laboratoire sur un rayon laser pour arriver à le concentrer derrière avec des prismes, etc. Ben, dans la structure moléculaire de la plume elle-même, dans cette zone-là spécifiquement, il y avait des choses qui agissaient comme des miroirs réflecteurs pour arriver à concentrer en fait ces rayonnements pour les renvoyer derrière. Donc il faut imaginer que quand la lumière du soleil arrive sur cet endroit-là spécifique de la plume, et ben, il y a plein de petits trucs qui vont permettre donc de réfléchir la lumière, de la réfracter correctement, et de balancer ces deux longueurs d'onde bien spécifiques qui vont donc donner cette coloration un petit peu spéciale, et qui vont faire un peu comme des mini-lasers en quelque sorte. Alors c'est tout petit, hein, c'est tout diffus, c'est pas non plus un rayon laser qui va vous brûler les yeux, ne vous en faites pas. Jusque-là tout va bien, c'est vraiment... Aucun scientifique n'a été maltraité durant cette expérience. Non, vous en faites pas. Mais voilà, il y a cette possibilité dans les plumes de Pan, et il n'est pas impossible que justement cette coloration que l'on voit donc soit due à ce rayonnement laser en fait qui ressort. Et ce qui est et en fait la conclusion de l'article, et c'est là que je trouve ça assez intéressant, c'est que faut imaginer que bon, les lasers, ce sont des choses qui peuvent être utilisables, alors en médecine, en plein d'autres choses, mais en gros ce sont des choses qui vont nous permettre de connaître un peu mieux un phénomène, comment ça se passe à l'intérieur, par exemple. Donc c'est intéressant de voir un peu comment tout ça fonctionne, et c'est surtout la première fois qu'on arrive à trouver ça chez un oiseau, d'ailleurs dans un animal, et ça c'est assez incroyable. Il n'y a que les oiseaux pour faire ça, évidemment. Bah, que des oiseaux, à chaque fois. Que des oiseaux. C'est... Voilà. Et on se demande, justement, si ça ne pourrait pas nous aider... nous à comprendre un peu comment fonctionne la structure moléculaire de la plume et notamment toutes ces histoires de pigments qui n'en sont pas vraiment derrière, qui nous donnent cette iridescence des plumes, arriver à comprendre comment tout ça marche. Donc c'est un pas de plus dans cette direction. Et c'est aussi un moyen, bah alors ça c'est vraiment sur le très long terme, hein, pour l'instant on n'en est pas là du tout, mais c'est un moyen... plutôt de se dire qu'un jour peut-être on pourra créer des matériaux biologiques qui pourront agir comme des mini-miroirs pour arriver à nous envoyer des données peut-être sous forme de laser ou pour nous donner des choses de ce style-là, et que c'est quelque chose qui est déjà finalement possible dans le règne animal, donc peut-être qu'un jour nous en tant qu'humains on arrivera à créer des matériaux qui vont faire comme ces choses qui sont déjà présentes dans la nature. Ça pourrait peut-être être utile en médecine, ça pourrait peut-être être utile autre part, on ne sait pas encore, mais voilà, c'est quelque chose qui existe, qu'on ne connaissait pas du tout, et qui est, ma foi, assez surprenant. On est quand même encore loin du sabre laser de Luke Skywalker. On est très loin. Mais... on est très très loin de tout ça. Mais franchement, au début, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais attends... De quoi on parle exactement ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ? Ben oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et c'est incroyable. Il faut lire la publication, je vous mettrai le lien de toute façon, mais il faut vraiment aller voir. Alors, elle est un peu obtuse, je vais pas vous le cacher, parce que c'est vrai que tout ce qui est lumière, laser, etc., c'est surtout de la physique, moi j'ai pas tout compris. Mais c'est effectivement quelque chose qui a été écrit dans un journal scientifique, dans Nature, c'est pas n'importe quoi, et qui visiblement a une base solide scientifique, donc ça m'a un peu interpellée, je me suis dit, allez, on va parler de ça aujourd'hui, ça changera, oui, comme ça. Il pourrait avoir une application en médecine, à moyen terme ou à long terme. À mon avis, à très long terme, peut-être. Très long terme. Mais très long terme. Alors par contre, n'essayez pas de faire ça chez vous, parce que ce qui a été utilisé, alors les colorants qui sont utilisés pour après concentrer des rayons lumineux comme cela, et notamment la rhodamine 6G, ce sont des colorants qui peuvent être particulièrement dangereux pour l'homme. Et la rhodamine 6G, notamment, c'est l'un de ceux qui sont capables de corroder pas mal de métaux, pour vous donner une idée. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous. Oh, je pense pas que les gens aient vraiment l'envie d'expérimenter ça chez eux. On sait jamais, si quelqu'un a un laser comme ça à la maison, on peut tester sur une plume de pan. Mais si voilà, un laser à la maison. On sait jamais. Je préviens, tu sais, voilà. C'est la personne qui possède le CERN à ce moment-là. Hein. C'est, Oh non, petit laser, non, c'est pas le CERN. Non, petit laser de laboratoire, non. bref. Si Goldfinger était ornithologue, bref. Exactement. C'est ça qui nous manque, la musique de Goldfinger. Ah, mais ce sera peut-être le titre de l'émission, du coup. Goldfinger. Voilà. Bon. James Bond menacé par un pan, incroyable. Qui tire des rayons laser, attention. Ça... Non, mais ils ont déjà fait ça dans. C'était quoi, Kung Fu Panda 3 ou 2 ? J'ai plus le pan. Je sais plus quel c'était. Kung Fu Panda 2 à James Bond, on est quand même. Il y a un monde, hein. Même si. Finalement, tout se rejoint. C'est vrai que. Et James Bond est ornithologue. Attention. C'est vrai. Enfin, il était parce que, bon. Oui, il n'est bon. Plus de notre monde, mais. Exactement. Mais oui. Exactement. Allez, deuxième partie de l'émission, je vais vous parler du Fourniero, voilà, ou Hornero, on est en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fourniero ? Il faut imaginer la forme d'une grive, avec le plumage de la femelle rouge-queue à front blanc, et le comportement d'une hirondelle. Voilà. Oui, tout à est-ce fait. Que Alors, par comportement d'hirondelle, je veux dire que le fournier fait comme l'hirondelle en créant son nid, donc il va amasser justement de la terre pour pouvoir ensuite eh bien, réaliser des espèces de cavités qui vont être retrouvées eh bien, sur différentes habitations ou encore sur des poteaux télégraphiques ou ce genre de choses-là. Donc voilà, le fournier roux, c'est un oiseau qui est très présent au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et en Argentine, donc en Amérique du Sud. Et les chercheurs se sont non pas intéressés au fait que cet oiseau était un drôle de patchwork de plein d'oiseaux que je viens d'énumérer à l'instant, mais de savoir si eh bien, les oiseaux étaient capables de vocaliser différemment en fonction de s'ils ont des intrus à proximité de leur nid ou pas, ou à proximité de leur territoire. Ah oui ? Alors, on avait déjà parlé de ça, Sophie. On avait parlé notamment de Paruline au Galapagos. J'ai l'impression de parler de cet épisode à chaque épisode du Courrier de Stern. Oui. Mais grosso modo, la conclusion de cet épisode, enfin la conclusion de cette étude, c'était que bah, lorsque les Parulines sont dérangées par le trafic routier, eh bah, celles-ci étaient beaucoup plus agressives que les Parulines qui n'entendaient quasiment aucune voiture. Donc on avait testé ça chez ces oiseaux. Mais il y a d'autres oiseaux chez qui on a testé eh bien, la relation d'agressivité en fonction du bruit. On a par exemple les alouettes, les pouillots véloces et les pouillots fitis, donc des oiseaux que l'on croise chez nous, qui réagissent plus fortement aux vocalisations de leurs voisins en provenance d'endroits inattendus, notamment quand les limites territoriales ne sont pas les bonnes. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, on a fait des études sur la mésange à tête noire qui peuvent distinguer les individus en fonction des champs du mâle et en fonction justement de la zone géographique dans laquelle ils sont. Ce qui est assez intéressant, c'est que le fournier roux est un oiseau qui fait partie de la sous-famille, de le sous-ordre, pardon, des tyrans. Qui compte environ 1000 espèces. Alors attention, tyrannidé à ne pas confondre avec les tyrannosauridés. très très important. La distinction. On peut faire la confusion on entre peut faire les, la confusion, les, deux, c'est les deux animaux. C'est vrai, ils se ressemblent tellement. Non, ils mais se oui. ressemblent ah, beaucoup. Donc une étude qui avait été menée sur le moucherolle des aulnes qui a révélé effectivement des réactions plus fortes au chant des voisins diffusés. Depuis un emplacement frontalier, donc à la lisière justement d'un territoire, que depuis une frontière habituelle d'un voisin. Voilà. Donc ça, c'est des études qui avaient été menées par le passé. Et l'objectif, bah, c'était de savoir si les fourniers y provenaient aussi, donnaient des informations complémentaires, s'ils étaient plus ou moins agressifs en fonction des voisins qu'ils peuvent avoir. Mmh. Des voisins ou des intrus qui peuvent rentrer sur leur territoire. Je dis voisins parce que, je vous l'ai dit il y a quelques instants, le fournier crée des nids comme un peu ceux qui sont réalisés par les hirondelles, sauf que les fourniers, eux, ne placent pas leur nid au plafond, mais plus vers le sol. C'est un peu compliqué à dire, mais grosso modo, le nid d'un fournier, c'est un nid d'hirondelle à l'envers. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je peux parler, mais il faut imaginer que la coupe de l'hirondelle, eh bien, elle serait retournée pour le fournier. Et donc l'objectif, c'était de savoir si eh bien, les oiseaux que sont les fourniers sont plus ou moins agressifs en fonction des différents individus qu'ils ont, parce que les nids de fourniers sont parfois très proches les uns des autres. Et donc du coup, eh bien, il y a peut-être, on va dire, un certain respect mutuel ou un certain pacte de non-agression qui est, sait-on jamais. Je vais bien en train de signer quelque chose. Ouais, c'est... La parole s'envole, mais les écrits restent, Sophie. Exactement. Bah pour les oiseaux, c'est circonstance. Donc, 10 couples ont été sélectionnés pendant la saison de non-reproduction, donc de mars à mai 2020. C'est important parce que les fourniers sont plutôt connus pour avoir des couples qui durent plutôt dans le temps. Mmh. Et on est sur le campus de l'Universidad de Federal de Ruiz de Fora. On est dans le sud-est du Brésil. On est dans un quartier, on va dire, résidentiel, entouré de quelques vestiges de forêt et d'espaces ouverts au pâturage. Et l'objectif est très simple, ou plutôt le protocole est très simple. On va passer des enregistrements d'oiseaux et on va voir comment les oiseaux réagissent en fonction de ces enregistrements. D'accord. Donc 124 essais de lecture sont menés sur les 10 paires. 63 sont à la limite d'un territoire voisin, donc 30 avec des simuli étrangers, 33 avec des stimuli voisins, et 61 à la limite inoccupés, 30 avec des stimuli étrangers, et 31 avec des stimuli voisins. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que 63 sont réalisés à la limite d'autres territoires, alors que 61, eux, sont réalisés sans qu'il y ait de limite de territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, les ornéraux nichent parfois très proches ou s'installent très proches les uns des autres. Et donc, eh bien, d'un côté, on a l'endroit où les ornéraux sont juste à côté l'un de l'autre, et de l'autre, les ornéraux sont tout seuls. Et donc, grosso modo, bah, on doit s'attendre à ce que les oiseaux deviennent plus ou moins vigilants en fonction de la situation qui se passe. Et c'est effectivement le cas, puisque les oiseaux vont mener des agressions physiques. Alors, ils parlent de vol vers le haut-parleur, dans ce que j'ai pu traduire. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par vol de haut-parleur. Je ne sais pas s'ils ont installé de haut-parleur à proximité de la zone où c'est juste en fait un enregistrement qui était passé, et dans ce cas l'oiseau s'est rapproché de l'enregistrement, très clair dans ce qui est dit, mais en tout cas les agressions physiques étaient similaires envers leurs voisins, quelle que soit la limite territoriale, donc ce qui signifie en fait qu'il n'y avait pas spécialement de représailles immédiates pour, entre guillemets, et j'aime beaucoup le terme employé, les violations mineures des limites du territoire. Donc, grosso modo, lorsque un oiseau peut rentrer dans un territoire, eh bien, ça va, tout va bien, il est juste rentré parce qu'il a raté son virage ou parce que, justement, il a été un petit peu trop loin de son nid, donc on peut tolérer eh bien, cette reconnaissance. Alors qu'en réalité, l'oiseau est beaucoup plus agressif lorsque justement il a affaire à des stimuli étrangers, et c'est logique, puisque eh bien, ça peut être un prédateur potentiel, enfin pas un prédateur, pardon, mais l'inverse d'un partenaire, donc j'arrive pas à trouver le nom. Un concurrent potentiel, et donc bah, celui-ci doit être effectivement dégagé très très vite. Et c'est un petit peu ce que nous apprend cette étude, c'est que les ornéraux, les fourniers, puisque ornéraux c'est le terme utilisé en Amérique du Sud, les fourniers sont, on va dire, plus à même à tolérer des individus qu'ils connaissent déjà, plutôt que des individus qu'ils ne connaissent pas. Et oui. Voilà. C'est normal. Bah, c'est bien parce que cette étude, finalement, elle vient, comment dire, elle vient en complément de beaucoup d'autres qui ont été faites récemment, dont on avait discuté. Qui était, genre l'étude sur les Galapagos. Et ben... t'avais dit, ouais, t'en as parlé au début. Exactement. Mais oui, voilà, ça vient effectivement en complément et ça montre qu'il y a des pactes de non-agression presque, hein, qui sont qui ne sont pas écrits, mais en tout cas qui sont peut-être vocalisés ou peut-être qui sont représentés pour montrer effectivement que certains individus sont tolérés sur certains territoires par rapport à d'autres. Mmh. Il serait encore plus intéressant de savoir si certains individus profitent justement du fait de ce système-là pour, pourquoi pas aller s'enquérir de la femelle d'un concurrent. Les oiseaux n'ont pas dévoilé tout leur... tout leur secret. Tout leur secret, voilà. Eh bah. Bah écoute, encore un super article. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Vous le retrouverez évidemment dans la description. Attention, celui-ci est derrière un paywall, mais vous avez une très très bonne, on va dire un très bon résumé de l'article, voilà, qui vous permettra de vous faire une petite idée sur tout ce qui a été réalisé. Nous, Sophie, bah, c'est la fin de notre épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter si vous avez des questions. Je vous rappelle que vous retrouvez, comme je viens de le dire, l'intégralité de nos sources dans la description. Et puis, bah, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut à tous et salut à toutes. À plus.